Number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine, number nine. Bonsoir, bonsoir tout le monde, c'est Thierry Gallet, c'est la saga des Fab Four numéro 629 et l'album de la semaine, c'est le White Album, l'album blanc dans sa version Super Deluxe édition sortie en 2018. On va en écouter un, donc je vais même pas vous dire ce qu'on va écouter parce que c'est un chef-d'œuvre du début à la fin. Il y aura par contre pour McCartney, Magneto and Titanium Man. C'est temps de Marvel, c'est quand même assez sympa. Sur Venus and Mars en 1975, Lennon nous chantera Love sur Plastic Ono Band en 1970. George Harrison nous proposera Apple Scruffs sur All Things Must Pass en 1970 aussi. Quant à Ringo Starr, il nous concoctera un Back Off Boogaloo qui est sorti en single. Cette chanson-là, il l'a composée contre McCartney, je vous expliquerai ça tout à l'heure, et elle est sortie en single en 72, mais il l'a également reprise en 1981 sur son album Stop and Smell the Roses. Voilà, donc je vous souhaite une bonne soirée, jusqu'à 22h à peu près, et on se retrouve sur Facebook dans le groupe La Saga des Fab Four. Bonne soirée à tout le monde, à tout de suite. Outside. come out to play. The brand new day. The sun is up, the sky is blue, it's beautiful, and so are you, dear Prudence. Won't you come out to play? Les Beatles par deux fois sur RG, d'abord Back in the USSR et puis à l'instant Dear Prudence. La Prudence de la chanson était Prudence Farrow, la sœur cadette de l'actrice Mia Farrow, qui suivait le même enseignement que les Beatles en Inde. La chanson était une supplique qui lui était adressée afin qu'elle sorte de ses trop longues périodes de méditation pour se détendre avec le reste du groupe. À la fin de la maquette de Dear Prudence, John continue de jouer de la guitare et dit: personne ne devait se douter qu'un jour ou l'autre, elle se déchaînerait sous la supervision du Maharishi Mahesh Yogi. Tous les gens présents s'inquiétaient pour elle parce qu'elle devenait folle. Alors, nous avons chanté pour elle. Prudence dément être devenue folle, mais reconnaît qu'elle était plus fanatique que les Beatles en ce qui concerne la méditation. Je méditais depuis 1966 et je pensais déjà venir à Rishikesh pardon, en 1967. Alors, quand j'ai pu faire le voyage, ça a été comme un rêve devenu réalité, explique-t-elle. Le fait d'être là était pour moi le plus important que tout au monde. J'avais la ferme intention de méditer autant que possible afin d'acquérir une expérience suffisante pour pouvoir l'enseigner moi-même. Voilà. Et en fait, la chanson de John dit juste « Sors un peu, viens t'amuser avec nous, sors de ta chambre et viens passer un bon moment ». C'est d'ailleurs ce qu'elle finit par faire et elle a appris à bien connaître les Beatles. Les participants se retrouvaient en petits groupes de discussion après les leçons. Et le Maharishi lui fit intégrer celui de John et de George, pensant que ce serait bon pour elle. Nous parlions de ce que nous vivions, raconte-t-elle. Nous remettions en question la réalité. Nous nous interrogions sur notre identité et sur tout ce qui se passait. Je les aimais bien et je crois qu'ils m'aimaient bien aussi. Bien que la chanson ait été écrite en Inde et que Prudence avait souvent entendu les Beatles, Mike Love et Donovan avaient souvent entendu les Beatles, Mike Love et Donovan jouer là-bas, John ne joua jamais Dear Prudence. C'est George qui m'en a parlé, se souvient-elle, vers la fin, juste avant qu'il ne parte. Il m'a dit qu'ils avaient écrit une chanson sur moi, mais je ne l'ai entendu qu'à la sortie de l'album et j'en fus très flatté. Merci. D'ailleurs, justement, on retrouve Paul McCartney. Ça n'a aucun rapport avec ce que je viens de dire. Sur Venus and Mars, quelques années plus tard, en 1975, voici Magneto and Titanium Man, les héros Marvel. Enfin, là, c'est plutôt des méchants. Vous êtes bien sur RIG 90.7, c'est la radio des Beatles. Ça va, vous ? Moi, ça va. Love is wanting C'est vrai que c'est très très beau. La chanson suivante, c'est de George Harrison, qui rendait hommage aux petites jeunettes qui s'amassaient devant le Three Savile Row, par exemple, l'endroit où étaient les Beatles, et puis qui cherchaient à les voir, à dire « George, je t'aime !» par exemple, un truc comme ça. Et notamment aussi devant les bureaux d'Apple. Et justement, il les a appelés les Apple Scruffs, les pelures de pommes. Il n'avait pas cherché plus loin, c'est de l'humour anglais. Mais c'est une très belle chanson sur l'album All Things Must Pass. Là voici cette chanson hommage aux filles qui aimaient les Beatles par George Harrison après la séparation. Now what you sitting there? Seeing the passers-by all stir, like he had no place to go. But there's so much they don't know about Apple Scruff. You've been stood around for years, see my smiles and touch my tears. How it's been a long, long time, and how you've been on my Apple Scruff. Apple Scruffs, Apple Scruffs, how I love you, how I love you. Step outside to stand with your flowers in your hand, my Apple Scruffs. While the years come and go, now your love must surely show me that without all time and space, we're together face to face, my Apple Scruffs. Décidément, Paul McCartney en a pris plein les dents au début des années 70, parce que même Ringo Starr y était allé. Je ne le savais pas, je l'ai découvert récemment en lisant un article sur cette chanson, Back of Boogaloo. En fait, Ringo Starr critique Paul McCartney sur ses deux premiers albums post-Beatles. Bon, Heureusement, ils se sont réconciliés largement. Et puis Ringo Starr reconnaît, j'ai revu une interview de lui il n'y a pas très très très longtemps, mais qui date peut-être d'il y a une dizaine d'années, dans laquelle il disait « Heureusement que Paul était là finalement, parce que c'est lui qui nous bougeait pour aller au studio, parce que nous, on, à la limite, on serait resté dans le jardin à boire des coups et puis à être tranquille. Alors que lui, hop, il nous téléphonait, hey, « Les gars, allez, on va au studio, on fait quelque chose. » Et tout le monde suivait Paul. Donc, bon, eh bien, et de toute façon, celui qui a le plus de talent et celui qui en a fait le plus, bah, c'est Paul McCartney. Ouais, Ringo Starr, il se débrouille pas mal, il a sorti pas mal d'albums quand même, hein, mais bon. Le voici Ringo, sur une chanson sortie en 1972 en single. Hep, hep, hey, allez. Trois sites à consulter pour tout savoir sur les Beatles, deux français et un anglais. Le premier, c'est macaclub.com. Il existe un forum, bien sûr, sur le net et un site complet sur Facebook. Le second se nomme yellowsub.com. Il y a aussi un forum sur le net et une page Facebook très complète. Et pour le troisième, c'est un site anglais, celui de Lovely Rita. Si vous voulez tout savoir sur nos 4 amis de Liverpool, avec un forum et un site sur Facebook également, des millions de visiteurs réguliers, ce site recense aussi les personnes connues par Lovely Rita qui animent une émission sur les Beatles, dont nous, la saga des Fab Four. Alors n'hésitez pas, BeatlesMagazine.com, c'est le site qu'il faut consulter. She's not a girl who misses much. Oh yeah. She's well acquainted with the touch of the velvet hand, like a lizard on a window pane. The man in the crowd with the multicolored mirrors on his hobnailed boots, lying with his eyes while his hands are busy working overtime. A soap impression of his wife, which he ate and donated to the National Trust. Ce qui est fabuleux sur cet album blanc, d'abord, c'est la différence entre Sgt. Pepper, rien que pour la couverture, Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band, une couverture fouillée avec énormément de détails. L'album suivant, rien, rien, juste du blanc, juste le blanc, avec The Beatles en relief. Ils pouvaient se le permettre en 1968. Ils l'ont même refait en 1969 en faisant les Beatles qui sortent d'Abbey Road sur le passage protégé. Mais rien, pas de mention cette fois-ci des Beatles. Ils étaient tellement connus qu'il n'y avait pas besoin de le dire. Et c'est lors du voyage en Inde qu'ils ont créé toutes ces chansons. Ils en ont fait encore plus, puisque la preuve, certaines chansons paraîtront, on en écoutera une ou deux, peut-être trois, paraîtront plus tard sur d'autres albums, les albums post-Beatles. Et ils ont beaucoup fait en acoustique, même si après ils ont travaillé un petit peu plus. Et surtout, ça part dans tous les sens. C'est sur cet album qu'on dit que le début des carrières séparées, c'est créé là parce que on sentait John Lennon aller quelque part, George Harrison aller d'un autre endroit. Il était devenu aussi fort que ses deux autres copains. Et puis Paul McCartney continuait à faire des ballades, des rock, des tout ce qu'on veut. Ça va dans tous les sens, mais dans tous les sens de la bonne manière. Hein. Ça n'était pas n'importe quoi. Voilà, c'est la preuve. Martha, my dear, on en discute juste après. In the thick C'était sans doute le nom du bobtail de Paul, une chienne de 2 ans, mais Martha, my dear, n'était pas vraiment une chanson d'amour pour un chien. Martha, my dear, est une supplication adressée à une jeune fille qui a toujours été la muse du chanteur. Il lui demande de se souvenir de lui parce qu'il croit toujours qu'ils sont faits l'un pour l'autre. En janvier 68, Paul et Jane Asher avaient annoncé qu'ils se marieraient, j'accroche sur le mot mariage maintenant, qu'ils se marieraient dans l'année. Mais Paul s'est mis à sortir avec d'autres filles pendant que Jane était en tournée, et elle annonça en juillet la rupture de leur fiançailles. « Nous nous voyons encore et nous nous aimons encore, mais ça ne peut pas marcher », expliqua-t-elle à l'époque. « C'est peut-être un amour d'enfance qui nous fera nous retrouver et nous marier quand nous aurons 60 ans. » Ça ne s'est pas produit. Martha, my dear fut enregistrée en octobre 68 alors que Paul sortait déjà avec Linda Eastman. Jane fit la connaissance de l'illustrateur Gerald Scarf, au début des années 70 et ils se marièrent en 1981. Bon, pourquoi pas, hein? Mais voilà ce qu'on pouvait dire sur Martha, my dear. Ça n'est pas le chien, mais quand même. Il y avait un chien qui s'appelait Martha. Voici quelque chose de curieux. La chanson de l'album Ram qui s'appelle « Dear Boy ». En 1977, Paul McCartney s'est amusé, encore une fois parce qu'il s'amuse tout le temps, à sortir un album sous le nom de Thrillington, en reprenant tout l'album Ram en musique d'ascenseur. C'est vrai que, en 71, dans How Do You Sleep, John Lennon avait dit « Tout ce que tu fais, c'est de la musique pourrie, quoi. C'est de la musique d'ascenseur. Ben » Là, il lui a peut-être donné raison volontairement en faisant une sorte de musique qu'on pourrait entendre dans un ascenseur. Mais pourtant, écoutez la façon dont est traité Dear Boy. J'adore ça. C'est vraiment très, très bon. Voici Dear Boy en instrumental, façon Thrillington, qui est un pseudo de Paul. Thank you. Thank you. et dire que quelqu'un avait dit à Paul « T'en as pas marre de faire tes stupides chansons d'amour » et qu'il en a fait un succès, un méga hit en 1975 sur l'album... En 1976, pardon, sur l'album At the Speed of Sound. Quand j'ai lu At the Speed of Sound, je me suis dit, non, c'est 76. Oui, bravo, bravo Paul McCartney. On revient un poil en arrière, en 1971, et on y retournera à partir de l'album de la semaine. Je vous explique. Je vous ai dit tout à l'heure que les Beatles avaient produit beaucoup plus de chansons que de nécessaire pour sortir leur double album. Ils en garderont quelques-unes pour l'après. John Lennon avait écrit Child of Nature, on l'écoutera un peu plus tard. Il va garder cette chanson-là dans un tiroir et quand il va la ressortir en 1971, il gardera exactement la même musique, mais il va changer complètement les paroles. Ça va devenir Jealous Guy, qui est une des plus belles chansons de John Lennon. Vous êtes bien sur RIG 90.7. RIG le mercredi soir, c'est la radio des Beatles. Thank you.

George a dit de Piggies qu'il s'agissait d'un commentaire social et que la chanson ne faisait pas beaucoup plus que de se moquer des classes moyennes en les traitant de porcs, un terme de dérision généralement réservé dans les années 60 à la police. Cette chanson devint célèbre en 1971 lorsqu'il fut révélé que Charles Manson, gourou de la célèbre tribu Manson, avait interprété ses paroles d'une manière toute personnelle qui en faisait un avertissement annonçant à l'establishment blanc qu'ils étaient prêts à la révolution. La phrase la plus significative pour lui était celle qui disait que ce dont avaient vraiment besoin ces cochons, c'était d'une bonne fessée. What they need, a damn good whacking. D'après des témoins, c'était l'un des vers favoris de Manson et il le citait souvent avant d'être emprisonné pour sa participation à une série de meurtres sanglants que beaucoup virent comme le sinistre chapitre final de l'épopée hippie. L'élément qui lui permit de lier les 8 meurtres, 5 au domicile de Sharon Tate, 2 chez Leno LaBianca et 1 chez Gary Inman, était le fait que les mots « pig, pig, piggy » étaient inscrits sur les murs en lettres de sang. Les LaBianca avaient même été tués avec des couteaux et des fourchettes simplement parce qu'il était fait mention de ces ustensiles dans les paroles. George, évidemment, fut horrifié par cette interprétation maniaque du texte d'une chanson qu'il trouvait plutôt modérée, rappelant que l'idée de la fessée lui avait été suggérée par sa mère alors qu'il cherchait une rime pour « backing » et « lacking ». « Ça n'a rien à voir avec les policiers américains ou les cinglés californiens », ajouta-t-il. Évidemment, tout rapprochement avec quoi qu'il puisse se passer actuellement, ça n'a rien à voir. La saga des Fab Four, c'est une émission sur les Beatles. l'album de la semaine. Et oui, encore, avec une des rares chansons composées par Ringo Starr. Il l'avait dit de cette chanson, il le dit en 1999 sur l'album VH1 Storyteller, un excellent live que je vous conseille d'acheter. Il dit « Depuis le début des années 60, je traînais une chanson, j'essayais de la passer et puis on me disait « Oui, on va la mettre de côté et puis on verra plus tard ». Et en 68, donc 5 ans plus tard, c'était à partir de 63 qu'il avait commencé à essayer de faire ça, eh bien c'est devenu « Don't Pass Me By » que je vous propose maintenant sur RIG. Il disait aussi qu'il était très très fort pour composer une chanson qui existait déjà. Ça, c'est le talent de Ringo Starr. I listen for your footsteps coming up the drive. Listen for your footsteps, but they don't arrive. Waiting for your knock, dear, on my own front door. I don't hear it. Does it mean you don't love me anymore? I hear the clock a ticking on the mantel shelf. See the hands are moving, but I'm by myself. I wonder where you are tonight, or why I'm by myself. I don't see you. Does it mean you don't love me anymore? Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Don't pass me by. Don't make me cry. I'm sorry that I doubted you. I was so unfair. You were in a car crash and you lost your hair. You said about an hour or two. Well, that's all right, I'm waiting here, just waiting to hear from you. Don't pass me by, don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go, don't pass me by. Don't make me cry. Don't make me cry, don't make me blue. Cause you know, darling, I love only you. You'll never know it hurt me so. I hate to see you go. Don't pass me by. Donc, rappelez-vous, et j'espère que vous écoutez quand je parle, je vous ai dit qu'ils avaient composé trop de chansons. Et je vous ai dit que Jealous Guy était la petite sœur d'une chanson composée en 1968. Là voici cette chanson, Child of Nature, par John Lennon. Elle a été refusée sur l'album, sans doute parce qu'elle ressemblait trop à Mother Nature's Son, qui était composée par Paul McCartney. Et les Beatles n'avaient pas envie de faire des redites. Ils avaient raison. On the road to Rishikesh,

c'est sûrement l'anniversaire de quelqu'un, quelque part. Les Beatles l'ont fêté en 1968 avec cette chanson sur l'album blanc, l'album qui s'appelle White Album, en 1968, des Beatles, un vrai, vrai chef-d'œuvre. Une autre chanson qui a été travaillée du temps de l'album blanc, qui n'est sortie qu'en 1970 sur le premier album solo de Paul McCartney, l'album s'appelant McCartney tout court. Voici Junk sur RIG. Rockin' in the

le titre le plus long de la discographie des Beatles. Le titre, c'est « Everybody's got something to hide except for me and my monkey ». Donc, tout le monde a quelque chose à cacher, sauf mon singe et moi. Alors que le titre de travail était ce que l'on entend à la fin. « Come on, come on ». Comme quoi. When I get to the bottom, I go back to the top of the slide. Where I stop and I turn and I go for a ride. Till I get to the bottom and I see you again. Yeah, yeah, yeah. Do you, don't you want me to love you? I'm coming down fast, but I'm miles above you. La chanson à l'origine durait 27 minutes. Vous m'étonnez qu'à la fin, Ringo hurle « J'ai des ampoules aux doigts! I've got blisters on my fingers !» Eh oui, ça se comprend. Dans 3 secondes et demie, enfin un peu moins, un peu plus, ce sera Not Guilty, encore une chanson créée par les Beatles, enfin créée par George Harrison, et chantée plus tard par George Harrison sur ses albums solo. Écoutez Ringo qui va hurler. Parfois, je me pose la question. Why don't we do it in the road? La saga des Fab Four sur la radio. The Beatles. À consommer sans modération. Why don't we do it in the road? Mm-hmm. not guilty of getting in your way while you're trying to steal the day. Not guilty. And I'm not here for the rest. I'm not trying to steal your vest. I am not trying to be smart. I only want what I can get. I'm really sorry for your aging head, but like you heard me said, I'm not guilty. Of being on your street, getting underneath your feet, not guilty. No use handing me a writ while I'm trying to do my bit. I don't expect to take your heart, I only want what I can get. Sorry that you're underfed, but like you heard me said, not guilty. Not guilty for looking like a freak, making friends with every seat. For leading you astray on the road to Mandalay. I won't upset the apple cart, I only want what I get. I'm really sorry that you've been misled, but like you heard me said, I'm not guilty. Attention, breaking news. Stella sur Facebook, dans le groupe La Saga des Fab Four, me provoque en disant « Ce n'est pas Ringo qu'on entend hurler « I got blisters on my fingers !» Eh bien si, parce que c'est Ringo lui-même qui le dit en 1999 sur son album VH1 Storytellers, qu'il avait mal au doigt à force de taper la rythmique sur sa batterie. Alors ça doit être lui. Ou alors c'est peut-être John Lennon qui était à la basse. Écoutez, on écoutera. Je vous passerai le morceau dans lequel Ringo Starr raconte ça. Mais une prochaine fois, pas ce soir. Cry, baby, cry. Make your mother sigh. She's old enough to know better. The king of marigold was in the kitchen cooking breakfast for the queen. Queen was in the parlor playing piano for the children of the king. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The king was in the garden picking flowers for a friend who came to play. In the playroom, painting pictures for the children's holiday. Cry, baby, cry, make your mother sigh. She's old enough to know better, so cry, baby, cry. The Duchess of Kikori, always smiling and arriving late for tea. Duke was having problems with a message at the local Airbnb. Cry, baby, cry, make it. sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry. At 12 o'clock, a meeting round the table for a seance in the dark. With voices out of nowhere, put on specially by the children for a laugh. Cry, baby, cry. Make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry, baby. Make your mother sad. She's old enough to know better. So cry, baby, cry, cry, cry, cry. Make your mother sad. She's old enough to know better. Can you take me back where I came from? Can you take me back? Can you take me back where I came from? La chanson de John Lennon avec un petit bout d'une chanson de Paul McCartney. Et quelques années plus tard, pas longtemps, 1971, John Lennon va développer toute sa hargne contre Paul McCartney pour une chanson qui est sympa, mais qui est fausse. How Do You Sleep sur RIG. comment on dit focus en termes corrects. John Lennon avait dit oui, oui, mais non, ça s'adressait pas vraiment à Paul McCartney, ça s'adressait plutôt à moi. Mon œil, oui. Si vous écoutez les paroles, ça s'adressait à Paul McCartney. Et il avait tort sur toute la ligne, John Lennon. One, two, three, four. Là, c'est, vous avez entendu Elton John, qui est avec Ringo Starr pour cette chanson. Snookeroo en 74 sur Goodnight Vienna. I was born in the north of England. I was raised in a working town. I broke all the rules when I went to school, but the teachers couldn't pin me down. I tried to make my parents proud by adapting to the social powers. Oh, pigs will fly and the earth will fry when they get me doing honest hours. Dans quelques minutes, ce sera Eric et Johnny de A à Z. Mais on continue, je crois, une dernière fois sur l'album de la semaine avec un chef-d'œuvre. Vous le connaissez. C'est la troisième version de la prise numéro... Laissez-moi regarder parce que là, je ne l'ai pas en tête. Prise numéro 27. I'll just have cheese and lettuce and marmite sandwich and coffee. Okay, a one, two, three, four. Sleeping while my guitar gently weeps. surely be learning. Still my guitar gently weeps. Oh, oh, oh. Hold it, Harry. So it's okay, I sang, tried to do a smoke. You thought that you knew what it was when. Looks like you've been fooling you again. You thought you had got me all sick high. But baby, looks like I. I'm a dark horse, running on a dark race course. I'm a blue moon, since I stand out of the womb. I've been a poacher. Looking for his purse. avant de retrouver Eric pour Johnny de A à Z et son live, on fait encore deux petits tours du côté de George Harrison avec deux très belles chansons. True Love en 1976 et Baltimore Oriole en 1980. Et c'est sur RIG. dancing, make a lonely man happy. Baltimore de terminer comme ça sur du George Harrison. Je vous laisse dans les bras chauds et tendres. Je me fais marrer tout seul. Eric Gallo pour Johnny de A à Z. Je vous souhaite une bonne semaine et une bonne écoute déjà de ce qu'il va vous proposer dans quelques secondes et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. À très bientôt. Salut, ciao, bisous filles et pas une main aux garçons.